reverrons un jour l'autre, si vous y tenez autant que moi. Venez. Prenons rendez-vous un jour n'importe où. Je promets que j'y serai sans faute. Nous aussi. À Noël ou à la Pentecôte. C'est la chanson du Luron, ça, il doit pas être heureux, hein. La folie, comme à Tombouctou, je devrais dire à Marie, comme à Tombouctou. Plus on est de fous, plus on rit de tout. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, j'y tiens beaucoup. C'est agréable, on s'absente 5 minutes, vous prenez les chansons des copains comme ça. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Le monde est petit, profitons-en. Plus c'est petit, plus c'est gentil. Si votre chemin passe par le mien, ma roulotte croisera la vôtre. Le hasard souvent fait bien les choses, Sylvie. Surtout quand, quand on peut l'aider un peu. On t'a vraiment parlé d'amour jusqu'à présent. Attends tout. Une étoile passe et je fais un...